Après les succès de Sombre et Je suis le feu, Max Monnehet revient avec À la gorge, un thriller à couper le souffle. Victor Caran, psychologue carcéral sur l'île de Ré, rencontre un nouveau détenu. Après une séance, convaincu de son innocence, il décide de rouvrir l'enquête avec l'aide d'une jeune flic. Ensemble, ils ont une semaine pour trouver le vrai coupable. À la gorge de Max Monnehet, un thriller à couper le souffle aux éditions du Seuil, maintenant en librairie. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Patrick Buisson, quand l'extrême droite murmure à l'oreille du président. D'abord journaliste, Patrick Buisson fait ses armes dans les rédactions les plus à droite de France. Observateur avisé, il devient un politologue reconnu. Spécialiste des sondages, fin connaisseur des méandres de la droite française, cet homme de l'ombre, idéologue et stratège, a passé toute sa carrière à se chercher des favoris, des hommes capables de faire progresser ses idées et de les porter au pouvoir. Et c'est auprès de Nicolas Sarkozy que ce Buisson, toujours ardent, va connaître son apogée. Mais c'est aussi de ce président-là que viendra sa chute. Notre invitée aujourd'hui, Ariane Chemin, journaliste au Monde. Elle est avec Vanessa Schneider, l'autrice du livre « Le mauvais génie » et du documentaire du même nom. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Gaspard Valu, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Cohn. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. Monsieur le Président de la République. Lundi 24 septembre 2007, c'est jour de fête à l'Élysée. De nombreuses personnalités défilent sur les graviers qui mènent au perron du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. On y trouve des personnalités politiques, des figures médiatiques, comme des anonymes. Un à un, ils sont conviés à prendre la direction de la salle des fêtes du palais présidentiel. Sous les dorures et les immenses lustres de la salle de réception, les invités retrouvent l'homme qui est mis à l'honneur ce jour-là. À 57 ans, Patrick Buisson vit son heure de gloire, le couronnement de toute sa carrière. Nicolas Sarkozy, élu président de la République quelques semaines plus tôt, s'apprête à lui remettre la Légion d'honneur. Une distinction qui doit en principe récompenser des services rendus à la nation, mais qui en réalité sonne comme un remerciement de la part du nouveau président envers celui qui l'a guidé durant sa campagne présidentielle victorieuse. Dans le documentaire « Le mauvais génie », écrit par Ariane Chemin et Vanessa Schneider et réalisé par Tancrède Ramonet, le journaliste Jean-Claude Dacier, présent ce jour-là, raconte. Et on a vu arriver le président de la République, Nicolas Sarkozy. Il a fait un discours totalement improvisé d'une dizaine de minutes. Il a eu une formule qui n'a pas plu à tout le monde. Sans Patrick Buisson, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui en tant que président de la République. Sur scène, aux côtés de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson sourit. Il observe l'Assemblée venue lui rendre hommage. Une assemblée à l'image d'une carrière qui l'a mené des rédactions d'extrême droite jusqu'aux coulisses du pouvoir, en passant à côté de la grande récréation de mai 68. L'un de nos reporters me demande l'antenne, je la lui passe tout de suite. Je me trouve toujours rue de l'Estrapade et rue Thouin. C'est un combat sauvage. Je vous affirme que le mot n'est pas trop. Les étudiants sont maintenant massés derrière les deux ou trois dernières barricades qui restent. Ils ont mis le feu à des voitures. C'est un jet continu de grenades lacrymogènes et également de cocktails Molotov. Les pavés volent. Son chemin politique, Patrick Buisson l'entame à tout juste 20 ans lorsque la révolte étudiante de mai 68 éclate. Ce n'est évidemment pas sa tasse de thé. Et c'est clairement un opposant au mouvement. L'un des seuls étudiants dans ce cas d'ailleurs, à la fac de Nanterre. Il faut dire que le jeune homme, né en 1949 en Vendée, dans une famille d'extrême droite, admiratrice de Charles Maurras et nostalgique des grandes heures de l'Action française et de l'Algérie d'antan, cet étudiant-là ne pouvait pas soutenir mai 68. Étudiant en histoire à l'université de Nanterre, il rejoint la FNEF, un syndicat de droite minoritaire, farouchement opposé lui aussi à la contestation qui secoue le pays. Rédacteur en chef du journal de son syndicat, Buisson mène son combat sur le terrain des idées. Son mémoire sur les courants idéologiques dans le mouvement de défense de l'Algérie française validé, il devient professeur. Mais c'est très vite l'école buissonnière. Ce qui le passionne est hors des salles de classe. C'est l'écriture. Il contribue régulièrement à la revue Item. Cette petite publication d'extrême droite qui aspire à lutter contre ce qu'elle appelle le terrorisme intellectuel de gauche lui permet d'affûter sa plume et d'affiner sa pensée. Il disserte sur les vertus de la droite française et prône déjà le rapprochement entre ces différents courants. En 81, il quitte l'enseignement pour rejoindre le journal Minute. Cet hebdomadaire d'extrême droite qui se vante d'être le titre le plus condamné de France devient la seconde maison du jeune Patrick Buisson. Il s'impose vite comme l'un des piliers de la rédaction. En bon journaliste politique, il travaille son réseau lors de déjeuners réguliers avec des figures de la droite de gouvernement comme Charles Pasqua ou Alain Madelin. Mais au début de la décennie 80, c'est surtout un homme politique et sur un homme politique chef d'un jeune parti que Patrick Buisson va concentrer son attention. Je serai un candidat de droite. Et en cela, je serai un candidat rare. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier. Parce que les gens, vis-à-vis de tous les gens qui viennent se faire soigner en France et qui franchissent des frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine. Et je pense qu'il y a là un véritable impact de notre campagne. Est-ce que vous pensez qu'un jour Jean-Marie Le Pen conduira la France ? Oh, je n'ai pas cette vanité de penser que je pourrais un jour conduire la France, mais cependant, si on ne sait jamais, l'histoire le voulait, pourquoi pas ? Entre Jean-Marie Le Pen et Patrick Buisson, l'entente est immédiate. Ils partagent les mêmes idées, la même vision du monde et les mêmes ambitions. Leur complémentarité est évidente. L'un est un tribun charismatique, l'autre un intellectuel austère, idéologue à la stratégie déjà bien affirmée. Jean-Marie Le Pen, lui, est le porte-voix idéal, celui que Patrick Buisson recherche pour faire triompher ses idées. Et c'est comme ça qu'il devient un conseiller important du chef du Front National. Il le sollicite en permanence, le consulte sur des questions stratégiques, comme sur des sujets de fond. Il met l'hebdomadaire Minute au service du nouveau chef de file de l'extrême droite. Il multiplie les articles, portraits et une à sa gloire. En fervent supporter, il lui consacre un documentaire et rédige son autobiographie. Buisson use aussi de son influence pour parvenir à faire exister le leader frontiste dans les grands médias nationaux. Et lors des apparitions télévisées de Jean-Marie Le Pen, il est toujours là, dans l'ombre, assis sur les gradins. Après la présidentielle de 81 et l'échec de Jean-Marie Le Pen à réunir les 500 signatures nécessaires pour se présenter, il œuvre pour faire entrer au parti de nouveaux cadres dirigeants, habitués des luttes politiques et capables de faire franchir un cap au Front National. Au milieu de la décennie 80, c'est ainsi Bruno Maigret, un haut fonctionnaire proche du RPR, qui vient renforcer les rangs de ce groupuscule qui aspire à devenir un vrai parti politique. La stratégie est payante. Lors des élections législatives de 1986, le parti d'extrême droite réussit une percée historique dans les urnes. La première constatation, c'est que la gauche est battue et largement battue. Le parti communiste est largement descendu au-dessous de la barre des 10%. Et le Front National a donc atteint son premier objectif, battre le Parti communiste. Eh oui, 35 députés, 10% des voix, joli coup pour le Front National. Côté jardin, il entre de plein pied à l'Assemblée avec de quoi constituer un groupe parlementaire. Côté cour, il donne tort aux instituts de sondage qui le voyaient nettement plus bas. Et surtout, le Front National passe pratiquement sans perte du vote contestataire au vote ultra-conservateur. En quelque sorte, il est stabilisé et par là donne tort à ceux qui n'y voyaient qu'un feu de paille. Ce succès, Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il le doit en grande partie à son conseiller. Une réussite que le chef veut récompenser en offrant à Patrick Buisson une place de choix sur les listes du Front National. Mais l'éminence grise refuse. Il est bien là où il est. D'autant que sa carrière à Minute prend un nouveau tournant. premiers journalistes de l'histoire du journal à obtenir une accréditation à l'Assemblée nationale, il est au plus proche du pouvoir et il peut continuer ainsi à se frayer un chemin en coulisses. En 86, à la faveur d'un changement d'actionnaire, il devient le directeur de la publication de l'hebdomadaire d'extrême droite. Patrick Buisson se plaît dans ce nouveau rôle. Il sait mobiliser ses équipes et les réunir autour de valeurs communes. Comme lorsque, pour une photo de famille, tous posent fièrement autour d'un portrait du maréchal Pétain. Mais il est un chef paranoïaque. Il n'a confiance qu'en lui-même. Et il va vite en payer le prix. Le 6 mai 87, la rédaction de Minute implose autour d'une improbable histoire de micro caché. Dans le documentaire « Le mauvais génie », Yves Montenay, l'actionnaire principal du journal, alors en conflit ouvert avec le directeur de l'hebdomadaire, raconte. Un jour, Emmanuel Ratier vient dans mon bureau et me dit « Yves, attention, tu as des micros partout chez toi ». Et donc il a pris le téléphone, il a dévissé un truc. Ah oui, c'est le vieux téléphone. Hein. Ah oui, tiens, tu vois, il y en a un là. Je vais regarder sous le bureau. En général, il faut qu'il y en ait un sous le bureau à peu près à cet endroit-là. Il en trouve un, puis il a fait le tour de la pièce, il en a trouvé partout. Des micros placés par Patrick Buisson. Personne n'en doute. Séquestré dans son bureau par des hommes de main de l'actionnaire principal du journal, il est obligé de faire appel à Jean-Marie Le Pen pour que des gros bras du FN viennent le sortir de là. Il est débarqué et quitte la rédaction de Minute. Mais il rebondit vite. Quelques mois plus tard, il rejoint le service politique de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Titre de la droite réactionnaire, légèrement plus polissé que son virulent cousin, c'est le nouveau terrain de jeu idéal pour Patrick Buisson. Et là encore, il monte rapidement les échelons. En 1992, il est nommé directeur de la rédaction. C'est aussi, durant ses années à Valeurs Actuelles, que l'ancien de Minute développe une passion dévorante pour les études d'opinion. Il en est persuadé. C'est dans les sondages que se trouvent les clés de l'électorat français. Alors, il les analyse en profondeur, les compare, les contextualise. C'est depuis son nouveau poste qu'il découvre un nouveau talent politique sur qui miser, Philippe de Villiers. Car les dérapages récurrents de Jean-Marie Le Pen l'ont convaincu de s'en éloigner. L'élu vendéen, lui, ancien secrétaire d'État à la culture, colle plus au profil que recherche Patrick Buisson. Celui d'un homme capable de conquérir le pouvoir. Le journaliste le convainc de présenter une liste de droite eurosceptique aux élections européennes de 1994. Philippe de Villiers a droit au même traitement de faveur que Jean-Marie Le Pen en son temps. Les colonnes de Valeurs Actuelles sont remplies d'entretiens fleuves avec le nouvel homme fort de la droite souverainiste. Patrick Buisson rédige ses mémoires et édite un journal de campagne distribué dans plus de 28 millions de foyers français. Encore une fois, la méthode Buisson fait des miracles. Contre toute attente, la liste dissidente de droite se place en troisième position avec plus de 12% des voix. Philippe de Villiers se place sur l'échiquier politique. Vous pouvez compter sur nous pour travailler à l'Europe des nations et pour peser de toute la force de nos convictions pour que soit renégocié le funeste traité de Maastricht. L'Europe et Maastricht sont déjà loin. Philippe de Villiers jubile. Le Vendéen rêve déjà peut-être du grand rendez-vous. Fort de ce succès, Patrick Buisson se concentre désormais sur son nouveau centre d'intérêt. En 96, il quitte Valeurs Actuelles et crée la revue politique Opinion. Ce titre, confidentiel et à destination de la classe politique et de ses observateurs, un think tank, réunit les dirigeants des principaux instituts de sondage français. On y décortique les tendances et on livre des analyses pointues, celles de Buisson. Cette nouvelle casquette lui offre des opportunités. Il tape à la porte de LCI, la chaîne d'information du groupe TF1 créée 2 ans plus tôt. Il rencontre son directeur, Jean-Claude Dacier, et lui propose un nouveau concept d'émission baptisé le Club de l'Opinion. L'idée est simple, réunir des sondeurs et des politiques pour discuter des grandes tendances qu'il aura lui-même décelées dans sa revue. La proposition séduit. Et en 1997, Patrick Buisson apparaît à l'écran pour la première fois. Sous couvert de sondages en tout genre, il développe à l'antenne ses thématiques privilégiées. Ce n'est donc peut-être pas un hasard si en 98, le rapprochement de toutes les droites qu'il prône depuis plus de 20 ans s'opère pour la première fois lors des élections régionales. Avec le ton sobre qui le caractérise, Buisson analyse froidement les premières alliances électorales victorieuses entre la droite républicaine et le FN. Il est aussi en coulisses lorsqu'en 1999, la liste souverainiste qui réunit Charles Pasqua et Philippe de Villiers se place deuxième aux élections européennes. Un camouflet pour le RPR, dont la liste, conduite par Nicolas Sarkozy, est reléguée en troisième position. Mais l'histoire se répète pour Patrick Buisson. Alors qu'il a le vent en poupe et qu'il compte sur Philippe de Villiers pour porter ses idées à la présidentielle de 2002, l'élu vendéen ne parvient pas à réunir les 500 signatures obligatoires pour valider sa candidature. Encore une fois, M. Buisson, le politologue, ancien journaliste de Minute, cerveau autoproclamé des stratégies de l'extrême droite en France, va devoir se trouver un nouvel homme à soutenir. Une figure réactionnaire au service de ses idées. Tout lui, tout brille, mais rien ne brûle. Tout brille, tout scintille, mais rien ne se consume. C'est comme ça, c'est ainsi. Tout sans vie, tout un prix, tout se calcule. Jouer des points et beaucoup moins des virgules. Tu ne m'as peut-être pas compris. Tant pis, je récapitule. Tout brille, tout scintille, même au crépuscule. Même l'envie, parfois s'envie, ça en devient ridicule. Bien sûr, on peut en rire. Tout a un prix, tout se ternit, tout se dit simule. Sensible sur France Inter. Aujourd'hui, Patrick Buisson. Affaires sensibles sur France Inter. Voilà, nous sommes à 8 minutes, 7 secondes, 6 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes en mesure de vous donner donc le résultat. C'est le non qui l'emporte à ce référendum sur le projet de constitution européenne avec 54,5%. La France a donc dit non à ce projet de constitution. Tout de suite, une première réaction avec tous nos invités. Tout d'abord, peut-être Michel Barnier, ministre des Affaires étrangères. Réaction, s'il vous plaît. Le référendum de 2005 sur la constitution européenne marque un tournant pour Patrick Buisson. Alors que la victoire du oui semblait écrite, c'est bien le non qui l'emporte. Un coup de tonnerre que personne n'a vu venir. Enfin, presque. Car depuis plusieurs semaines, le chroniqueur de LCI l'affirme, rien n'est joué. Quelques jours avant le scrutin, il prédit même le score exact, à la virgule près. Une clairvoyance qui va faire basculer le destin du politologue. Reçu sur le plateau de la chaîne d'information LCI, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui fait alors campagne pour le oui, se souvient des prédictions de Patrick Buisson. Le président de l'UMP n'est pas encore officiellement candidat à la présidentielle qui doit se tenir deux ans après, mais il a déjà mis la machine en route et il prépare activement son engagement dans la compétition pour le pouvoir suprême. Et donc, Il garde en mémoire l'accession historique de Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002. Et il sait que s'il veut avoir une chance de remporter le prochain scrutin, il va devoir aller chercher des électeurs directement dans les réserves de voix du Front National. Qui de mieux alors, pour le conseiller, qu'un ancien proche de Jean-Marie Le Pen ? Les deux hommes se connaissent, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. À Neuilly d'abord, lors d'un déjeuner informel durant la traversée du désert de Nicolas Sarkozy. Puis, plus récemment, alors que le destin présidentiel du ministre de l'Intérieur se précise. Mais c'est bien à l'été 2005 que le véritable rapprochement s'opère. Patrick Buisson sait qu'avec Nicolas Sarkozy, il a une carte à jouer. Il sait également qu'il n'aura pas à se renier en collaborant avec ce ministre de l'Intérieur qui, au mois de juin 2005, affirme vouloir nettoyer les cités à coups de Karcher. Oui, il retrouve en Sarkozy les qualités de ses précédents poulains. Mais celui-là est jeune, dynamique, sait s'y prendre avec les médias et semble n'avoir aucun tabou. Et surtout, avec ses 65% d'opinion favorable, il bénéficie d'une insolente cote de popularité. Le rythme des rencontres entre Nicolas Sarkozy et Patrick Buisson s'accélère à la fin de l'année. L'ancien directeur de Minute est de toutes les réunions stratégiques. Sans place officielle dans l'organigramme, comme d'habitude, c'est pourtant lui qui donne le ton et qui impose ses sujets. Le fameux « travailler plus pour gagner plus », c'est bien, mais ce n'est pas ce qui va faire gagner le candidat. Non, pour y parvenir, il faut prendre un autre chemin, celui habituellement emprunté par l'extrême droite. Exit le chanteur Didier Barbelivien. Il était pourtant un habitué des fins de meeting. Face aux jeunes, Nicolas Sarkozy a dépêché un autre jeune, Faudel, et son nouveau tube, Mon pays. Mon pays, le ton est donné, car de la France, il en a été beaucoup question. À la tribune, encore une fois, Nicolas Sarkozy plaide pour son ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Depuis des décennies, nous nous excusons d'incarner une identité nationale, républicaine et française. Je n'ai pas peur de vouloir défendre l'identité de la France, de la République et de la nation. Identité nationale et immigration, voilà les thèmes imposés par le conseiller, vigoureusement relayés par le candidat. Et la stratégie fonctionne. Ségolène Royal, la candidate socialiste, peine à suivre le mouvement. Et le Front National, lui, stagne, relégué à un rôle secondaire. Au soir du premier tour de la présidentielle 2007, Nicolas Sarkozy largement en tête avec plus de 31% des voix. Jean-Marie Le Pen, lui, se classe quatrième avec seulement 10% des suffrages. Très loin de la performance historique réalisée 5 ans plus tôt. Entre les deux tours, le candidat de l'UMP applique avec toujours autant de zèle la stratégie Buisson. Ségolène Royal ne peut rien faire, les dés sont jetés. Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy, vous voyez leurs partisans à gauche et à droite. Ça y est, les Français ont tranché et c'est dans quelques secondes maintenant que vous allez découvrir notre estimation, dont on peut dire qu'elle montre un écart conséquent. Voici le résultat de notre estimation Ipsos Del. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation de ses supporters Salgado. Cette victoire, Patrick Buisson la savoure en direct sur le plateau de LCI. Il sait que ce jour-là, sa vie vient de changer. Car le nouveau président ne compte pas se passer des services des politologues. Il sera à ses côtés pour les 5 ans à venir. Mais comme 20 ans plus tôt, lorsqu'il refuse une place sur les listes du Front National, Buisson décline un bureau à l'Élysée. S'il assure le président de son soutien, il souhaite rester un conseiller de l'ombre. La reconnaissance officielle de la gratitude de Nicolas Sarkozy envers son éminence grise intervient donc le 24 septembre 2007, lorsque dans la salle des fêtes de l'Élysée, il le fait chevalier de la Légion d'honneur. Une reconnaissance accompagnée d'une faveur. Quelques semaines plus tard, en effet, Patrick Buisson est nommé directeur de la chaîne Histoire, une petite chaîne du câble appartenant au groupe TF1 propriété de Martin Bouygues, un grand ami du président. Une opportunité en or, en tout cas pour l'historien de formation et l'idéologue zélé qu'il est. La petite chaîne anonyme devient la vitrine de la pensée de l'ancien directeur de Minute. La ligne éditoriale se concentre sur les thématiques qui le passionnent. Révolution, Algérie française, version OAS, Vichy, il a le champ libre. Mais son nouveau poste ne l'empêche pas de continuer à conseiller le président, bien au contraire. Il se rend chaque semaine à l'Élysée pour assister aux réunions stratégiques. Et autant dire qu'il ne perd pas une miette des entretiens qui se tiennent dans le salon vert. Dans les coulisses du pouvoir, Patrick Buisson est un ovni, redouté par beaucoup. Il manœuvre en permanence pour garder les faveurs du roi et il sait se rendre indispensable. Entouré des membres de son cabinet, Nicolas Sarkozy écoute avec attention les exposés hebdomadaires que le politologue déroule, chiffre et analyse à l'appui. Il le questionne sur la marche à suivre, sur les grands sujets du moment. Et il demande son avis lorsqu'il s'agit de la composition de son gouvernement. Si Buisson veut une tête, il l'obtient. Rarement dans l'histoire, un conseiller n'a eu autant de pouvoir. D'autant que les échanges entre les deux hommes ne se limitent pas aux réunions hebdomadaires à l'Élysée. Non, Nicolas Sarkozy le consulte presque tous les jours. Tantôt sur des questions purement politiques, tantôt sur des sujets d'ordre privé. Des échanges, généralement au téléphone, après lesquels le conseiller n'hésite pas à montrer ce qu'il pense vraiment du président. Dans le documentaire « Le mauvais génie », Paul-Marie Couteau et le journaliste Jean-Sébastien Ferjou se souviennent de certaines de ces échanges. Lorsque Patrick Buisson recevait un téléphone du président de la République, il lui parlait avec déférence, certes, mais enfin, l'esprit de déférence n'y était pas. Il avait un peu regardé de haut. Et d'ailleurs, il plaisantait très régulièrement sur sa taille, parce qu'il l'appelait régulièrement Napoléon. Puis alors, quand il allait décrocher le téléphone, alors qu'il s'est fait chier. L'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée est aussi d'aubaine pour Patrick Buisson, le businessman. À la tête de sa société Publifact, il devient un prestataire important de l'équipe présidentielle. Dès le mois de mai 2007, la directrice de cabinet du président signe un juste contrat avec le politologue. En plus de sa rémunération mensuelle de 10 000 euros, au titre de son rôle de conseiller, sa société obtient un budget annuel de 1,5 million d'euros pour conseil et réalisation de sondages. Le contrat prévoit aussi la commande de nombreuses études d'opinion auprès de grands instituts dont Patrick Buisson est proche. Si le budget conséquent et le nombre extravagant de sondages réalisés étonnent certains observateurs, le contenu des études d'opinion dérange. Il est bien sûr question d'enquêtes qui sondent la population sur l'action du président, des réformes engagées ou celles envisagées. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Mais la société de Patrick Buisson réalise également des sondages plus politiques, interroge la popularité de personnalités de gauche et évalue par exemple les prestations de Dominique Strauss-Kahn, alors principal rival de Nicolas Sarkozy en vue de la présidentielle de 2012. Plus étonnant encore, Buisson fait interroger les Français sur des sujets personnels. Comment juge-t-il la nouvelle relation amoureuse du président avec la chanteuse Carla Bruni? Comment serait apprécié un mariage? Des centaines d'études, parfois revendues telles qu'elles par Publifact à de grands journaux nationaux comme Le Figaro. Et évidemment, cette boulimie sondagière du côté de l'Élysée fait les affaires de Patrick Buisson. Mais déjà pointée du doigt en 2009 par la Cour des comptes, elle fait maintenant l'objet d'une procédure judiciaire. Et revoilà les sondages de l'Élysée, mais cette fois c'est au chapitre judiciaire. L'association Anticor, qui dénonce la mauvaise utilisation des fonds publics, vient de porter plainte contre X pour délit de favoritisme. Cette association reproche à l'Élysée d'avoir passé une convention avec un cabinet privé pour la fourniture de sondages à hauteur d'1,5 million d'euros. Une convention sans appel d'offres, comme l'avait d'ailleurs relevé la Cour des comptes. Maître Jérôme Carsenti, l'avocat d'Anticor, avec Jean-Philippe Deniaux. Ma plainte reprend le rapport de la Cour des comptes, qui disait trois choses principales. Un, la convention est particulièrement succincte. Deuxièmement, il y a des prestations qui ont été payées par l'Élysée, alors qu'elles n'auraient pas dû être payées, puisqu'elles ont déjà été payées par d'autres organismes de presse. Et troisièmement, un non-respect des règles de la concurrence dans le cadre des marchés publics. Et donc, effectivement, nous nous déposons plainte parce que le parquet n'a pas engagé une enquête qu'il aurait dû mener. L'affaire des sondages de l'Élysée est une épine de plus dans le pied d'un président au plus bas dans les sondages. La fin de son mandat approche et la campagne pour la présidentielle de 2012 s'annonce chaotique. Dominique Strauss-Kahn surfe sur une cote de popularité qui ne faiblit pas et qui s'écroulera plus tard dans une chambre d'hôtel à New York. Du côté du Front National, Jean-Marie Le Pen a cédé sa place à sa fille. Un changement bénéfique, l'extrême droite connaît alors une nouvelle dynamique. Et une fois de plus, Nicolas Sarkozy compte sur Patrick Buisson pour mettre sa campagne sur de bons rails. Alors, l'éminence grise se met au travail. Il planche sur le programme et sur la stratégie du candidat à sa réélection. Exit les questions économiques, sociales et financières qui occupent pourtant le président depuis la crise de 2008. Non, le discours doit être plus dur et virer toujours plus à droite. D'ailleurs, les promesses des candidats sont radicales. Diviser par deux l'immigration, remise en cause de l'intégration des étrangers, renforcement des frontières et de l'identité nationale, le ton est donné. Comme 5 ans plus tôt, Nicolas Sarkozy adopte le vocabulaire du Front National. Il s'empare aussi de ses symboles. Sous l'impulsion de son conseiller, il effectue un pèlerinage en Lorraine sur les traces de Jeanne d'Arc, figure chérie des dirigeants de l'extrême droite française. Une droitisation qui n'échappe à personne et qui s'accentue à l'approche du scrutin. Nous avons 2 mois. 2 mois pour bâtir la plus formidable aventure. 2 mois pour bousculer les certitudes. 2 mois pour les faire mentir. À 42 jours du scrutin, le président candidat soigne particulièrement sa droite avec le retour en force du thème de l'immigration. Il menace notamment de revoir les accords de Schengen sur la libre circulation des personnes en Europe. On ne peut pas laisser la gestion des flux migratoires entre les seules mains des technocrates et des tribunaux. Les décisions d'entrée sur notre territoire doivent être l'expression d'une volonté politique décidée par la souveraineté nationale. La stratégie payante de 2007 se solde par un échec, 5 ans plus tard. Défait par François Hollande au second tour, pulvérisé par lui lors du débat d'entre-deux-tours, Nicolas Sarkozy quitte l'Élysée le 15 mai 2012. Dans le camp de la droite, le coupable est tout trouvé. Patrick Buisson, presque seul aux manettes durant la campagne. On lui reproche d'avoir entraîné le candidat toujours plus à droite, aveuglé par ses propres convictions. Reconduit à la tête de la chaîne Histoire, l'ancien conseiller retourne à ses affaires. Mais son aventure avec l'ancien président n'est pas terminée. Elle va même connaître un sérieux rebondissement au mois de février 2014. Le Canard Enchaîné nous entraîne ce matin dans les secrets de l'Élysée. L'hebdomadaire publie le verbatim d'enregistrement organisé à l'insu de Nicolas Sarkozy par Patrick Buisson, un de ses anciens conseillers. L'avocat de Patrick Buisson a confirmé l'authenticité de ces dialogues. C'était le conseiller le plus influent de Nicolas Sarkozy, celui qui murmurait à l'oreille du président. Mais il était aussi féru d'espionnage, jusque dans les salons de l'Élysée. Le 21 février, l'hebdomadaire Le Point révélait que Patrick Buisson avait enregistré toutes ses conversations avec Nicolas Sarkozy à l'aide d'un dictaphone dissimulé dans sa poche. Le Canard Enchaîné publie aujourd'hui un verbatim d'une réunion tenue à l'Élysée en 2011. On peut entendre le conseiller traiter certains ministres d'archi-nuls ou encore l'ancien président évoquer un possible remaniement. Selon Patrick Buisson, ces enregistrements étaient utilisés comme mode de travail et destinés à ses archives personnelles. À droite, l'affaire provoque un certain embarras. Quant à l'ancien président, ces révélations l'auraient rendu furieux. La révélation par le journal Le Point et la divulgation de certains extraits des enregistrements réalisés en cachette par Patrick Buisson provoque un coup de tonnerre. Où il a beau trouver toutes les excuses, la faute est trop importante et sonne définitivement le glas de la relation privilégiée qu'il unissait avec Nicolas Sarkozy. Dans les semaines qui suivent, ce dernier porte plainte contre son ancien conseiller pour violation de la vie privée. Quelques années plus tard, alors qu'il annonce son retour en politique, l'ancien président attaque de nouveau le politologue qu'il a accompagné durant tout son mandat et il n'a qu'un mot à la bouche, trahison. D'autant que Buisson ne reste pas tapis dans l'ombre. Il contre-attaque. D'ordinaire, discret, il multiplie les passages sur les plateaux de télé pour sauver la face. Il publie aussi un livre qui raconte ses années auprès de Nicolas Sarkozy, un essai virulent dans lequel il critique l'ancien président pour son inculture et son manque de carrure. condamné à payer 10 000 euros de dommages et intérêts à Nicolas Sarkozy et Carla Bruni pour les enregistrements secrets, Patrick Buisson a maille à partir avec la justice dans le cadre de l'affaire des sondages de l'Élysée. Il est condamné le 9 novembre 2021 à 2 ans de prison avec sursis et 150 000 euros d'amende. Ces deux sociétés impliquées dans l'affaire écopent, elles, de 550 000 euros d'amende. Fidèle à la trajectoire qu'il s'est lui-même dessinée, Patrick Buisson continue d'apporter son expertise aux hommes politiques de droite. Conseiller de Nicolas Dupont-Aignan, profession candidat, un homme qui n'existe que par les campagnes électorales présidentielles où il fait un petit tour et puis s'en va, il apporte aussi son soutien à la candidature d'Éric Zemmour lors de la dernière présidentielle. Ce sera sa dernière incursion dans la politique. Il meurt le 26 décembre 2023. Si aucun élu des Républicains n'est présent à son enterrement, le président des Républicains, Éric Ciotti, fait envoyer une gerbe pour garnir une tombe où tous les amis de l'extrême droite politique et médiatique de Patrick Buisson ont déjà déposé des fleurs. Aujourd'hui, vie et œuvre de Patrick Buisson. Notre invité, Ariane Chemin. Bonjour. Bonjour. Journaliste au Monde, vous êtes avec Vanessa Schneider, l'autrice du livre Le Mauvais Génie et du documentaire du même nom. Alors, on a dit que Buisson était mort le 26 décembre 2023, certes, mais on n'a pas dit de quoi, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, c'est une mort un peu à l'image du roman noir de sa vie. Il meurt seul. On ne sait pas qui le découvre. C'est la mort d'un homme très solitaire, mais c'est aussi la mort d'un homme qui était et qui se revendiquait très misanthrope. Et il y a quelque chose de tragique et de noir dans ce décès un jour de Noël. Puisqu'on parle de décès, on l'a dit là, aucun représentant des Républicains n'était présent aux obsèques. Mais qui était là? C'est intéressant de savoir qui n'était pas là, mais surtout qui était là. Oui, parce que les enterrements, ce sont aussi des petites scènes politiques, toujours, et encore plus quand il s'agit de personnages comme Patrick Buisson. Donc, autant que les présents, les absents sont intéressants. La droite LR, elle n'est pas là. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'ombre tutélaire de Nicolas Sarkozy qui déteste Patrick Buisson, mais plus encore, je dirais, celle de Carla Bruni, qui ne s'est jamais remise d'avoir été enregistrée, elle aussi, par Patrick Buisson, et qui avait dit si jamais un jour il vient chercher son argent, puisqu'il lui devait de l'argent, après sa condamnation, je lui verserai un seau d'eau sur la tête. Et donc, cette droite-là n'est pas là. En revanche, il y a les héritiers de Patrick Buisson, et notamment pas mal de journalistes, puisqu'il était le théoricien d'une sorte de gramsciste de gauche, comme on l'a dit en parlant de la référence du marxisme. Il disait à des très jeunes journalistes, depuis longtemps, investissez les médias, allez sur les plateaux de télévision, et ceux-là sont présents. Ce qu'on voit notamment beaucoup sur les plateaux de CNews, les jeunes poussent du Figaro Vox. Valeurs actuelles aussi, j'imagine. Valeurs actuelles, ils sont là, et d'ailleurs, ils ont grandi, puisque l'un d'eux, Geoffroy Lejeune, est le directeur du journal du Dimanche aujourd'hui, on voit qu'il a fait des petits. Parmi les absences aussi, il faut relever quand même celle de son fils, Georges Buisson. Mais d'ailleurs, avec son fils, l'histoire est compliquée. Une histoire très très compliquée, ils étaient brouillés, il n'est pas là. Ne pas venir à l'enterrement de son père, c'est quand même quelque chose. C'est un geste fort, oui. Alors, pensez-vous que Buisson est bel et bien à l'origine de la banalisation, on va dire ça comme ça, des discours et des thèmes de l'extrême droite au sein de la droite républicaine? Cette fameuse porosité entre ces deux droites, sur certains sujets bien sûr, pas sur tous, notamment sur l'immigration. Il a quand même joué un rôle très important. C'est toujours fascinant d'observer ces personnages de l'ombre qui ne se font jamais connaître et qui en font une grande influence. Et puis, il faut d'ailleurs dire que si, pendant très longtemps, on n'a pas parlé de Patrick Buisson, c'est que Patrick Buisson faisait partie de ces hommes qui donnaient beaucoup d'informations aux journalistes. Et quand on est la source de journalistes, c'est une façon aussi d'avoir l'assurance d'être protégé. On ne parle jamais de ses sources, donc pendant très longtemps, il n'apparaissait pas dans les articles. Et effectivement, je pense qu'il a modifié le logiciel de la droite française. Il a fait entrer dans le discours politique des tas de thèmes qui n'existaient pas ou dont on ne parlait pas. Par exemple, la critique de mai 68, par exemple, l'identité, l'assistanat, l'immigration, un accent particulier apporté à la délinquance, qui aujourd'hui est repris beaucoup par les chaînes d'enfants en continu. On fait de la politique autour des faits divers, et ça, au fond, c'est aussi peut-être un peu l'influence de Patrick Buisson, la morale, et aussi des formules qui restent. Par exemple, la formule « les racines chrétiennes de la France », qu'on entend tout le temps, eh bien, c'est Patrick Buisson, donc une grande influence à mon avis. Et quand Nicolas Sarkozy avait déclaré vouloir solder mai 68, c'était en 2007, ça. C'est Patrick Buisson aussi probablement, ça ressemble. Alors lui, c'est l'ancien étudiant que vous avez raconté à Nanterre, qui était le seul à être de droite et qui ne faisait pas la révolution. C'est resté. Ariane Chemin, il y a quelque chose peut-être un peu difficile à comprendre. Nicolas Sarkozy a été longtemps sur la ligne de Jacques Chirac, c'est-à-dire cordon sanitaire avec l'extrême droite. Alors je ne sais pas si ensuite Nicolas Sarkozy a eu un double langage, mais pourquoi Buisson s'est-il jeté dans les bras de Nicolas Sarkozy qui n'était pas prêt à collaborer avec, ne serait-ce que sur les idées, avec le Front National? Non, il reprend des thèmes, c'est ça que lui impose Patrick Buisson. Et d'ailleurs, on voit un petit peu la différence, parce que pendant très longtemps, la droite parlementaire a été majoritaire, l'extrême droite était minoritaire. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire la même chose. Quand on voit les sondages pour les élections européennes, on ne peut pas forcément dire la même chose. Donc c'est ça que Patrick Buisson a imposé à Nicolas Sarkozy, qui était totalement en admiration devant Patrick Buisson, pour une raison simple. On sait que c'est comme les rois de France avec les sourciers ou les devins. Eh bien, il lui a dit regardez, le non va l'emporter au référendum européen. Oui, ça l'a impressionné, quoi. Ah bah bien sûr, ouais. C'est toujours quelqu'un qui sait prédire l'avenir en politique. Les princes ne peuvent pas s'en passer. Alors, une fois le candidat Sarkozy élu, Patrick Buisson refuse un bureau à l'Élysée. Pour quelle raison, selon vous? Patrick Buisson, il disait toujours l'influence et la distance, et il avait raison. Il voulait pas. D'ailleurs, il y a très très peu d'images où on le voit apparaître. On le voit apparaître une fois, je me souviens, lors de la célébration de la naissance de Jeanne d'Arc. On le voit parce que c'est lui qui avait organisé ce déplacement de Nicolas Sarkozy. Et en fait, les images de Patrick Buisson, ce sont celles où il a régné en maître dans une émission politique sur LCI pendant 10 ans, de 97 à 2007, où il recevait le tout Paris médiatique et politique, où il s'est fait beaucoup de relations. Et c'est vrai que c'est un excellent, d'abord c'est un homme cultivé, comme tous les gens d'extrême droite, un homme intelligent, un homme qui avait la science des sondages, un homme, et c'est ce qui l'a rapproché de certains qui n'étaient pas forcément de son camp politique, qui avait le souci du vote du peuple, comme il disait. Et donc ça a été très important. Et là on le voyait, mais on l'avait un peu oublié quand il est devenu conseiller, il est devenu invisible. Et pourtant, autour de Sarkozy, il y avait des conseillers qui avaient beaucoup de personnalité. Et au-delà des conseillers, d'ailleurs, je pense à Guéant, secrétaire général de l'Élysée, il y avait Guénaud, il y avait Charon, il y avait des gens comme ça. Comment il a réussi à s'imposer dans ce staff-là? Alors, dans les réunions, au salon vert de l'Élysée, comme on l'appelait, avant de prendre l'escalier et de mettre l'enregistreur en s'arrêtant à l'entresol dans sa poche, il s'arrêtait dans les toilettes de l'entresol et il mettait l'enregistreur. Et eh bien, il se taisait. Et on a toujours l'air très intelligent quand on se tait dans une réunion. Il se taisait, il écoutait. Il était l'homme qui murmurait, au fond, à l'oreille du président et qui avait toujours des avis un peu originaux, tranchés, définitifs. Mais il ne parlait pas beaucoup. Il préférait les apartés et les tête-en-tête aux réunions à 15 personnes. Mais il n'a pas créé des jalousies, parce qu'autour du président, c'est souvent un paillet de crabe. Il a créé des jalousies, mais je pense que la découverte des enregistrements ne vient pas de ces jalousies. Je pense que ça vient d'ailleurs. D'où? Bah, je pense que c'est familial. Je pense qu'il y a eu des tas de voilà, il a entretenu des relations catastrophiques avec son fils, catastrophiques avec d'autres personnes. On le raconte avec Vanessa Schneider, avec des femmes, des hommes, etc. Et que au bout d'un moment, il y a eu une volonté de vengeance et quelques enregistrements ont été diffusés. Je pense qu'il en reste beaucoup d'autres. Alors justement, dans le récit, on entend Paul-Marie Couteau dire que Patrick Buisson n'avait pas une grande estime pour Nicolas Sarkozy. C'est quelque chose qui a éclaté après l'échec de 2012 et après la découverte des enregistrements. Et que disait Patrick Buisson de Nicolas Sarkozy une fois qu'ils ont divorcé, si je puis dire? Oui, il disait qu'il était un culte, il critiquait Carla Bruni, il avait un mépris, le mépris du sachant, de cet homme qui n'a vécu au fond, Patrick Buisson, il avait une vie très très triste, il a vécu dans les livres, et surtout il vivait dans le passé, il connaissait le passé mieux que personne, et donc il considérait que toute personne qui connaissait pas parfaitement et l'histoire de France et l'histoire de la droite nationaliste et l'histoire du mauracisme et l'histoire de... Voilà, était quelqu'un d'incompétent, donc il s'est beaucoup vengé, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec son fils, Georges? Alors c'est des affaires privées, mais peut-être que ça explique aussi la personnalité de Buisson. Je pense que c'était pas facile de vivre avec Patrick Buisson, c'était pas facile d'avoir Patrick Buisson comme père. C'était quelqu'un de très dur, quand même quelqu'un qui passe son temps à enregistrer. Il a enregistré à minute, il a enregistré ensuite Nicolas Sarkozy, c'était quelqu'un qui était complètement paranoïaque. Donc on peut comprendre que sa famille ait eu du mal avec Patrick Buisson. Je ne veux pas en dresser, alors qu'il est mort, un tableau absolument noir, mais je pense que c'était pas un homme très simple. Mais sa vision du monde était aussi un peu paranoïaque. Oui, sa vision du monde était paranoïaque. Je me souviens de cette anecdote où il est très jeune, il doit avoir 13 ou 14 ans, il est au collège à Neuilly, et c'est juste avant, quelques jours avant les accords d'Évian, et il y a 6 inspecteurs d'académie, de l'éducation nationale, qui sont abattus, dont le fameux écrivain Mouloud Feraoun. Et tous les étudiants français sont sommés de se lever pour une minute de silence. Ils sont quelques dizaines à refuser de se lever. Il y a Patrick Buisson, donc il est le fils d'un camelot du roi, il est le fils d'un homme qui vendait l'Action française à la sortie des églises. Ça vous forge quand même un logiciel de pensée. Bien sûr. Il y a une autre relation que vous évoquez dans votre livre, c'est celle entre Patrick Buisson et Jean-Luc Mélenchon. Alors dit comme ça, ça paraît étonnant, ils sont aux antipodes de la pensée politique. C'est quoi cette improbable amitié, je ne sais pas si c'est une amitié, mais connaissance, oui, relation. En fait, lorsqu'il a son fameuse émission sur les sondages à LCI, il reçoit beaucoup de monde, il reçoit Jean-Luc Mélenchon. Ils sont très différents, hein. L'un vient de la droite nationaliste, l'autre est un héritier du marxisme, mais ils ont des références. D'abord, ils aiment l'histoire, tous les deux, ils connaissent les mêmes moments de l'histoire nationale, ils connaissent les mêmes chansons, ils ont tous les deux le souci du vote populaire, et surtout, Mélenchon est un formidable contradicteur, et ça, quelqu'un d'intelligent qui vous tient tête, Patrick Buisson, il aimait ça, et ils se sont mis à se parler, beaucoup, alors Patrick, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, quand nous avons raconté toutes ces scènes avec Vanessa Schneider, s'est indigné, mais la vérité, c'est qu'il y avait une forme de connivence, et que Patrick Buisson a poussé Jean-Luc Mélenchon en lui disant qu'il y avait un espace à se présenter. De même que lorsque vous avez un institut de sondage, il suffit parfois de tester les gens pour les faire exister. Vous les mettez dans un panel et vous demandez aux Français de dire si ils vont voter pour ou contre. C'est aussi une façon de faire exister les gens, et ça, Patrick Buisson l'a fait. Et donc il portait un regard sur Marine Le Pen qui était beaucoup moins positif que le regard qu'il a porté sur son père avant qu'ils ne se séparent également. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Bon, d'abord, je pense qu'il est un peu misogyne, et il a fabriqué le menhir, Jean-Marie Le Pen. C'est lui qui l'a fabriqué à l'époque, Minute. C'est lui qui, le premier, est allé lui rendre visite. On l'a dit, Patrick Buisson est un farouche adversaire des accords d'Évian. Il avait même essayé de persuader Nicolas Sarkozy qu'il fallait revenir sur cet épisode. Et donc, en fait, il communiait avec Jean-Marie Le Pen parce qu'il communiait aussi dans la même histoire avec Marine Le Pen. Je pense qu'il devait dire ce qu'il dit au fond de Nicolas Sarkozy de manière très cruelle et pas forcément exacte, qu'elle n'avait pas de culture. Donc il va soutenir Éric Zemmour, puisque le grand rêve d'Éric Zemmour, comme celui de Buisson, c'est d'unir les droites et de considérer que l'extrême droite est un élément de l'ensemble de la droite. Hein. C'est vraiment l'objectif de Zemmour. Quelles étaient ses relations avec lui ? Eh bien, il a sympathisé, c'est vrai, dans les dernières années de sa vie, avec plusieurs personnages. Philippe de Villiers, il le connaissait depuis longtemps. Éric Zemmour, il se rencontrait avec aussi Geoffroy Lejeune, le nouveau directeur de la rédaction du journal du dimanche. Il se rencontrait dans une brasserie parisienne, où d'ailleurs Emmanuel Macron a fêté sa victoire à la Rotonde. Et c'était des grandes discussions. Et toujours cette idée que c'est aussi par la culture, par l'histoire, qu'on peut gagner une élection, qu'il y a la politique, mais qu'il y a aussi le métapolitique, et ça, c'était très important pour Patrick Buisson. C'était un bon informateur. Vous me disiez tout à l'heure qu'il informait la presse, vous-même, et au monde. Est-ce que vous avez... Là, il essayait d'intervenir. Est-ce que vous avez un vécu? Alors, aucun. Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai écrit un livre sur lui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Mais ça, c'est pas grave. On peut non, très c'est bien pas grave. Écrire, bien sûr que non. Sans rencontrer les... C'est pour savoir comment il faisait de l'entrisme ou pas. Non, mais alors, il n'y a aucune critique. Je pense que c'était une très bonne idée d'aller s'informer auprès de Patrick Buisson. D'accord. Mais c'est vrai que c'est souvent aussi un bon médicament pour éviter que, quand vous êtes concerné, pour éviter qu'on parle trop de vous. Et c'est vrai qu'il a rempli les pages de journaux après la défaite de Nicolas Sarkozy, lors des affaires des sondages de l'Élysée, lors des affaires des écoutes, parce que c'est quand même un polar, cette affaire des enregistrements. Ah oui. Enfin, ce sont pas des écoutes d'ailleurs, ce sont des enregistrements. C'est un véritable polar, et c'est vrai qu'il est un personnage pas banal dans l'histoire de la Ve République. Merci beaucoup, Ariane Chemin. Merci à vous. Au revoir.